Dossier 7. Leçon 3. Activité 8. Aujourd'hui, chers auditeurs, notre invité surprise n'est autre que le célèbre Jean Dupré. Bonjour Jean. Bonjour. Jean, on est très heureux de vous accueillir. Tout le monde sait que vous avez tourné dans de nombreux films à succès, mais ce qu'on sait moins, c'est comment vous êtes entré dans le monde du cinéma. Oh, complètement par hasard. J'avais 30 ans, j'étais vendeur dans une boutique de bijoux. Un jour, un producteur américain est entré pour acheter un cadeau pour sa femme. Je l'ai accueilli, il a choisi une magnifique bague et, avant de partir, il m'a laissé sa carte en me demandant de l'appeler. Et il vous a proposé un rôle, non ? Oui, c'est aussi simple que ça. Si nos routes ne s'étaient pas croisées, probablement que je travaillerais toujours dans la même boutique. Et j'ajouterais, vous travailleriez dans la même boutique et vous ne pourriez pas vous offrir les bijoux que vous vendez. Vous voulez dire par là que je gagne beaucoup d'argent maintenant ? Oui, c'est vrai, j'en gagne beaucoup. Mais j'en donne aussi beaucoup, vous le savez. Effectivement, tout le monde connaît votre générosité, l'aide que vous apportez aux plus démunis. Jean, parlons maintenant de la façon dont vous jugez votre vie. Vous arrive-t-il d'avoir des regrets ? Des regrets ? Oui, quelques regrets. Par exemple, j'aurais aimé tourner sous la direction de Malcolm Beckett, qui vient malheureusement de nous quitter. Et des regrets à propos de rôles que vous avez interprétés ? Bon, je vais être franc avec vous, j'ai tourné dans quelques mauvais films, mais je ne vous dirai pas lesquels. De toute façon, il n'y a pas de regrets à avoir. Ce qui est fait, et je n'y pense plus. Et dans votre vie privée ? Si je me tourne un peu plus loin en arrière, je regrette de ne pas avoir vécu dans une famille aimante. Mon père a quitté ma mère quand j'avais 8 ans, et j'en ai beaucoup souffert. Plus tard, la vie m'a beaucoup apporté, et je suis heureux d'être ce que je suis maintenant. Jean Dupré, merci pour ce moment d'intimité passé en votre compagnie. Merci à vous.